La Traconie. Il y avait Michaud, il y avait Langlois, il y avait l'Andouillard. Comme dans la chanson, nous étions sept. C'est-à-dire, non, ne dramatisons rien et restons sincères. Nous n'étions que six. Le Braque, Camus, Gambette, Tintin, Grand Gibus et la Crique. Vétéran chevronné de la guerre des boutons, grand maraudeur de pommes et abatteur de noix, tous, garnement de 10 à 12 ans, nous avions ce printemps-là reformé notre association de bandits grimpeurs, pillards aériens et détrousseurs de nids. Pour le partage ainsi qu'on le verra, nous étions toujours un de trop, sinon deux. Pour la besogne, la criminelle besogne, nous étions de trop tous les six. Ce n'était point pourtant aux petits oiseaux que nous en voulions, sauf Camus, qui avait conservé un goût très vif pour les bouvreuils, prédilection qui lui avait d'ailleurs valu son nom. Un bouvreuil là-bas, s'appelant un Camus. Donc, les pinsons, Chardonneret, Linot, Serin, Fauvette et Mésange, pouvaient bâtir en paix, pondre, couver, et faire éclore sans hâte avec nous. C'était dans le grand que nous donnions, et par les bois que se perpétraient nos raptes et nos meurtres. Nous traquions les jeunes merles pour leur apprendre à siffler, les geais pour leur apprendre à parler, les corbeaux pour leur apprendre à se saouler, les pies pour leur apprendre à chaparder, et les griffes pour rien, pour l'égalité devant le malheur sans doute. Or, la tactique et les règles de notre association étaient les suivantes. Nous entrions en forêt, à un endroit déterminé, et à nous six, nous battions en tous sens un espace donné, habituellement le grand rectangle compris entre une tranchée sommière et deux tranchées transversales, plus ou moins selon le bois étant dont nous disposions. Dès que l'un des traqueurs apercevait un nid, il l'annonçait aux autres, en criant de tous ses poumons « Preux !» Immédiatement, on entendait « Ceux !» Puis « 3, 4, 5, et enfin, comme un grognement grave, d'air. Ces diverses exclamations affirmaient que le preux ou premier, celui qui avait trouvé le nid, avait le droit de choisir parmi les oisillons celui qui lui semblerait le plus beau. Le ce ou second venait immédiatement après, puis le troisième, et ainsi de suite. Comme il était rare que le nid contînt plus de 5 petits, le der ou dernier se bombait généralement. Selon les lois de l'expérience et d'une sage approximation, les 3 premiers étaient sûrs. Le 4e avait de fortes chances et pouvait espérer. Quant au 5e, ses espérances se trouvaient considérablement amoindries. On pouvait d'ailleurs échanger son numéro comme on vend un billet de loterie. Et quand tous étaient réunis au pied de l'arbre, avant la montée, on troquait, on marchandait, on vendait. « Je te passe ma place contre la tienne », proposait habituellement le 4 au 5. « Allez, seulement tu me donneras 4 billes et une agate. »« 4 billes et une agate ? Ben mon cochon, t'en as du culot. Je te donne 2 billes et une blanche, voilà. Je sais pas ce qu'il y a dans ce nid. On n'a pas seulement vu la mer. S'il était coucouté. »« Ou s'il est parti, » appuyait un copain. « Oui, mais s'il y a 4 beaux petits bien drus, qui c'est qui sera le con ?» S'il n'a pas fait le marché. Et s'il n'y en a que 3? Veux-tu pour 4 billes? Non, 2. Eh bien, garde ton numéro 5 et tu te taperas. T'es rien qu'un rapia. C'est toi que tu n'en es qu'un. Et puisque c'est comme ça, je voudrais que le nid soit plein de merde. Salaud! Les discussions n'allaient généralement pas plus loin. Une fois les combinaisons faites, les marchés consacrés en tapant dans la main, celui dont le tour était venu montait le nid. Et annonçait. S'il était prêt, on le prenait. S'il ne l'était pas, on attendait. Mais il n'y avait plus à revenir sur ce qui avait été réglé. On ne sut jamais ce que le Braque faisait de ses oiseaux. Gambette et Camus les revendaient à des amateurs. La Crique, à qui son père avait formellement interdit ce genre de chasse, et Tintin, qui était dans le même cas, troquaient régulièrement leur part de prise avec Grand Gibus, qui, au moulin où il avait en abondance des graines et des farines, ainsi que des cages, se livrait avec rage à l'élevage de ses captifs. Pourtant, Grand Gibus n'avait pas de veine. Beaucoup de ces oisillons, privés des soins maternels, périssaient. Un corbeau, déjà dressé, et comment, il buvait du vin, avait jugé bon néanmoins de renoncer aux bienfaits de la civilisation et de reprendre la clé des bois. Une pie, malgré ses ailes à demi rognées, avait agi de même. Un merle qui sifflait la Marseillaise, aux armes, citoyens, était mort sans doute d'une fièvre patriotique. Enfin, un jet qui donnait les plus belles espérances, il bouffait, mon ami, comme un cochon. Bouffa si bien qu'un jour il avala, avec la bouillie de maïs que lui tendait Grand Gibus, la petite palette en bois qui lui servait de fourchette, et s'étrangla comme de juste. Ces accidents ne désespéraient point l'éleveur, qui avec de nouveaux sujets faisait de nouveaux essais et mettait au jour le jour les camarades au courant des progrès réalisés par ses pensionnaires. Ces récits éblouirent Tintin qui se résolut, malgré le veto familial, à dresser lui aussi merles et jets. Il eut moins de veine encore que Grand Gibus. Le premier soir, comme il se ramenait à la maison avec deux jets et un merle, son père lui tomba dessus, et pour lui apprendre l'obéissance et le respect des nids, l'obligea à tordre le cou à ses malheureuses victimes qui tournaient déjà de l'œil, à les plumer, à les vider, à les barder de lard, à les cuire lui-même et à les manger pour son souper. D'écœurement, de dégoût et d'indigestion, Tintin vomit tripes et boyaux et faillit en crever pendant la nuit. Le lendemain, il déclara qu'il quittait l'association. Camus le suivit bientôt et elle fut définitivement dissoute. Voici dans quelles mémorables circonstances. À 1h05 un beau jour, le braque découvrit sur un peuplier, au bord d'une source, un nid de pie, et cria « Preux !» Camus arriva bon dernier. Depuis longtemps, pourtant, il désirait une agace. C'était le temps où celle de Grand Gibus commençait à chipper les petites cuillères. Compter sur un cinquième oisillon était hasardeux. L'heure de la classe arrivant, on décida que le nid ne serait monté qu'à 4 heures, et l'on vint à l'école. Camus, de même que Trochu, avait son plan. Personne ne le remarqua lorsqu'au nom de sa mère et pour on ne sait quelle fabuleuse commission, il demanda au maître la permission de sortir à 4h15, et le moment venu, il réussit à s'éclipser sans être vu. Quand la sortie s'effectua, les camarades furent bien étonnés de ne pas le voir. La crique, pris d'un soupçon, communiqua son idée aux associés, et tous, craignant d'avoir été roulés par le gaillard, filèrent ventre à terre dans la direction du peuplier où était le nid. Ils arrivèrent. Camus, au pied de l'arbre, gisait couché sur le dos, tout pâle, les yeux clos. Nul doute qu'il n'était monté à l'arbre et avait dégringolé. D'oiseau il n'en avait point entre sa chemise et sa peau, dans ses estomacs, comme on disait. Mais le nid vide était à côté de lui, et au fond de sa poche, un œuf d'agace, pourri, cassé, qui poissait la doublure et empestait. « Bon Dieu, il est peut-être tué ?» La crique tâta le cœur qui battait encore lentement. « Non, affirma-t-il. » On se mit à frictionner vigoureusement le blessé. On lui versa de l'eau froide sur la figure, et Gambette, ayant gardé dans son bissac un peu de vin qui lui restait de son déjeuner, approcha le goulot de sa petite bouteille des lèvres de Camus, qui ouvrit enfin les yeux. D'un œil ahuri, il regarda les copains, puis se souvint sans doute, porta les mains à son derrière qui lui cuisait, et se tâta les côtes en faisant la grimace. « Ben merde » affirma-t-il en guise de remerciement. « J'irai plus au nid. » Voyant qu'il en était quitte pour la peur, les 4 associés qu'il avait voulu flouer l'attrapèrent véhémentement. « Ça t'apprendra, bougre de cochon !»« C'est bien fait, tu l'as pas volé. »« Tu recommenceras, sale barboteur. »« C'est le bon Dieu qui t'a puni. » Devant ce débordement d'injures, Camus, malgré son ahurissement, éprouva tout de même le besoin de se rebiffer, et tout en se frottant les fesses, il crâna, menaçant et blasphématoire. « Si que la branche aurait été solide, je m'en foutrais pas mal de votre bon Dieu. »